14.32, observation, terminaison de l'imparfait. Avoir, j'avais. Être, j'étais. Travailler, je travaillais. Tu avais, tu étais, tu travaillais. Il avait, il était, il travaillait. Nous avions, nous étions, nous travaillions. Vous aviez, vous étiez, vous travailliez. Ils avaient, ils étaient, ils travaillaient. Remarquez que les terminaisons sont les mêmes pour avoir, être et travailler. Ce sont les mêmes pour tous les autres verbes. Donc, si vous connaissez les formes de l'imparfait du verbe être ou avoir ou travailler, et si vous vous rappelez que le radical de l'imparfait est le même que le radical de la première personne du pluriel du présent, eh bien vous pouvez former toutes les personnes de l'imparfait, de tous les verbes, à condition de connaître le présent. Exemple, verbe aller, la première personne du pluriel est allons. Le radical est all, A-L-L. Vous ajoutez à ce radical les terminaisons de l'imparfait. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z et A-I-E-N-T. J'allais, tu allais, il allait, etc. Verbe comprendre. La première personne du pluriel du présent est comprenons. Le radical est C-O-M-P-R-E-N. Imparfait. Je comprenais, tu comprenais, il comprenait, etc. Notez le on, O-N-S, et le E, E-Z. Caractéristiques des premières et deuxièmes personnes du pluriel.